Chapitre 9. Saint-Denis. On voyait autrefois près de Paris des sépultures fameuses entre les sépultures des hommes. Les étrangers venaient en foule visiter les merveilles de Saint-Denis. Ils y puisaient une profonde vénération pour la France et s'en retournaient en disant en dedans d'eux-mêmes, comme Saint Grégoire, « Ce royaume est réellement le plus grand parmi les nations ». Mais il s'est élevé un vent de la colère autour de l'édifice de la mort. Les flots des peuples ont été poussés sur lui. Et les hommes étonnés se demandent encore comment le temple d'Amon a disparu sous les sables des déserts. L'abbaye gothique, où se rassemblaient ces grands vassaux de la mort, ne manquait point de gloire. Les richesses de la France étaient à ses portes. La Seine passait à l'extrémité de sa plaine. 100 endroits célèbres remplissaient à quelque distance tous les sites de beaux noms, tous les champs de beaux souvenirs. La ville de Henri IV et de Louis le Grand était assise dans le voisinage. La sépulture royale de Saint-Denis se trouvait au centre de notre puissance et de notre luxe, comme un trésor où l'on déposait les débris du temps et la surabondance des grandeurs de l'Empire français. C'est là que venaient tour à tour s'engloutir les rois de la France. Un d'entre eux, et toujours le dernier descendu dans ses abîmes, restait sur les degrés du souterrain, comme pour inviter sa postérité à descendre. Cependant, Louis XIV a vainement attendu ses deux derniers fils. L'un s'est précipité au fond de la voûte, en laissant son ancêtre sur le seuil. L'autre, ainsi qu'Œdipe, a disparu dans une tempête. Chose digne de méditation. Le premier monarque que les envoyés de la justice divine rencontrèrent fut ce Louis si fameux par l'obéissance que les nations lui portaient. Il était encore tout entier dans son cercueil. En vain, pour défendre son trône, il parut se lever avec la majesté de son siècle et une arrière-garde de 8 siècles de rois. En vain, son geste menaçant épouvanta les ennemis des morts. Lorsque, précipité dans une fosse commune, il tomba sur le sein de Marie de Médicis. Tout fut détruit. Dieu, dans l'effusion de sa colère, avait juré par lui-même de châtier la France. Ne cherchons point sur la terre les causes de pareils événements. Elles sont plus haut. Dès le temps de Bossuet, dans le souterrain de ces princes anéantis, on pouvait à peine déposer Madame Henriette, tant les rangs y sont pressés. S'écrie le plus éloquent des orateurs, tant la mort est prompte à remplir ses places. En présence des âges, dont les flots écoulés semblent gronder encore dans ses profondeurs, les esprits sont abattus par le poids des pensées qui les oppressent. L'âme entière frémit en contemplant tant de néant et tant de grandeur. Lorsqu'on cherche une expression assez magnifique pour peindre ce qu'il y a de plus élevé, l'autre moitié de l'objet sollicite le terme le plus bas, pour exprimer ce qu'il y a de plus vil. Ici, les ombres des vieilles voûtes s'abaissent pour se confondre avec les ombres des vieux tombeaux. Là, des grilles de fer entourent inutilement ces bières et ne peuvent défendre la mort des empressements des hommes. Écoutez le sourd travail du verre du sépulcre qui semble filer dans ces cercueils les indestructibles réseaux de la mort. Tout annonce qu'on est descendu à l'empire des ruines. Et, à je ne sais quelle odeur de vétusté répandue sous ces arches funèbres, on croirait, pour ainsi dire, respirer la poussière des temps passés. Lecteurs chrétiens, pardonnez aux larmes qui coulent de nos yeux en errant au milieu de cette famille de Saint-Louis et de Clovis. Si tout à coup, jetant à l'écart le drap mortuaire qui les couvre, ces monarques allaient se dresser dans leur sépulcre et fixer sur nous leur regard à la lueur de cette lampe. Oui, nous les voyons tous se lever à demi, ces spectres des rois. Nous les reconnaissons, nous osons interroger ces majestés du tombeau. Eh bien, peuple royal de fantômes, dites-le-nous. Voudriez-vous revivre maintenant au prix d'une couronne? Le trône vous tente-t-il encore? Mais d'où vient ce profond silence? D'où vient que vous êtes tous muets sous ces voûtes? Vous secouez vos têtes royales, d'où tombe un nuage de poussière. Vos yeux se referment, et vous vous recouchez lentement dans vos cercueils. Ah, si nous avions interrogé ces morts champêtres, dont naguère nous visitions les cendres, ils auraient percé le gazon de leur tombeau, et, sortant du sein de la terre comme des vapeurs brillantes, ils nous auraient répondu, si Dieu l'ordonne ainsi, pourquoi refuserions-nous de revivre? Pourquoi ne passerions-nous pas encore des jours résignés dans nos chaumières? Notre hoyau n'était pas si pesant que vous le pensez. Nos sueurs même avaient leur charme, lorsqu'elles étaient essuyées par une tendre épouse ou bénies par la religion. Mais où nous entraîne la description de ces tombeaux déjà effacés de la terre? Elles ne sont plus ces sépultures. Les petits-enfants se sont joués avec les os des puissants monarques. Saint-Denis est désert, l'oiseau l'a pris pour passage. L'herbe croît sur ses autels brisés. Et au lieu du cantique de la mort qui retentissait sous ses dômes, on n'entend plus que les gouttes de pluie qui tombent par son toit découvert, la chute de quelques pierres qui se détachent de ses murs en ruine, ou le son de son horloge qui va roulant dans les tombeaux vides et les souterrains dévastés. Fin du livre deuxième.